sa. Toi qui ne voulais peut-être pas aller là-bas, toi qui coulais dans le fond de mes veines, toi qui soignais mes peurs et mes peines. Alors dis-moi pourquoi on ne se reverrait pas. Alors dis-moi pourquoi tu resterais là-bas. Au nom du Fils et du Père.